إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons un nouveau cours concernant l'ouvrage كن سلفيا على الجادة للشيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى. Et nous étions dans le chapitre numéro 11 et nous parlions que lors de la critique ou de la réfutation, on n'était pas obligé, il n'était pas demandé de citer les bons côtés de la personne ou du mouvement ou des personnes qui sont critiquées ou il est fait la réfutation. Donc, nous terminons ce chapitre. Le Cheikh Hafidhahu Allah dit: وقد سئل سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز السؤال التالي. Et son excellence, le Cheikh, le grand savant, l'ancien mufti d'Arabie, le Cheikh عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى, fut questionné. بالنسبة لمنهج أهل السنة والجماعة في نقد أهل البدع وكتبهم هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوئهم فقط أم فقط مساوئهم. Donc le questionneur demande: en ce qui concerne la voie, le chemin des adeptes de la sunna et du consensus dans la réfutation et dans la critique des adeptes de l'innovation et leurs ouvrages, est-ce qu'il est un devoir à ce moment-là de citer les bons côtés et les mauvais côtés seulement, ou alors on se suffit seulement de citer les mauvais côtés? Fa'ajaba rahimahullah, et il répondit, qu'Allah lui fasse clémence: al-ma'ruf fi kalami ahli al-ilm naqdu al-masawi lit-tahdhir وبيان الأخطاء التي أخطأوا فيها للتحذير منها أما الطيب معروف مقبول الطيب لكن المقصود التحذير من أخطائهم الجهمية المعتزلة الرافضة وما أشبه ذلك فإذا دعت الحاجة إلى بيان ما عنده من حق يبين وإذا سأل السائل ماذا عنده من الحق ماذا وافقوا فيه أهل السنة والمسؤول يعلم ذلك يبين لكن المقصود الأعظم والأهم بيان ما عنده من الباطل ليحذر السائل ولئلا يميل إليهم. Donc en réponse à cette question, le Cheikh Ibn Baz رحمه الله تعالى dit: ce qui est connu des paroles des gens de science, c'est de réfuter les erreurs pour mettre en garde, de clarifier les erreurs qui existent pour que les gens soient avertis. En ce qui concerne les bonnes choses qu'auraient ces personnes, les bons côtés qu'ils ont, cela est connu chez les gens que c'est une chose de bien. Mais ce qui est voulu là, c'est la mise en garde contre leurs erreurs, comme par exemple les sectes de l'Jahmiyyah, de l'Mu'tazila, des chiites et bien d'autres semblables. Mais si il y a un besoin ou une nécessité de parler ou de montrer une vérité ou un bien qu'ils ont, à ce moment-là, il le pourra. Ou alors, si le questionneur demande qu'est-ce qu'ils ont comme domaine dans lequel ils sont en accord avec la vérité, qu'est-ce qu'ils ont comme bonne chose et qui est en conformité avec Ahle Sunnah. Et le questionné connaît la réponse, à ce moment-là, il pourra le clarifier et le démontrer. Mais le grand point, l'essentiel qui est voulu là, c'est de démontrer l'erreur, c'est d'avertir et de mettre en garde les personnes pour ne pas pencher vers ces erreurs ou ceux qui les commettent. فَسَأَلَهُ آخر. Un autre questionnaire a demandé. فِيهِ أُنَاس يُوجِبُونَ الْمُوَازَنَةَ أَنَّكَ إِذَا انْتَقَدْتَ مُبْتَدِعًا بِبِدْعَتِهِ لِتُحَذِّرَ النَّاسَ مِنْهُ يَجِبُ أَنْ تَذْكُرَ حَسَنَاتِهِ حَتَّى لَا تَظْلِمَهُ. Donc un autre qui était présent a continué dans la question en disant, il y a des personnes qui obligent celui qui fait la critique de ramener les deux côtés, que lorsqu'il critique et il parle des mauvais côtés ou des erreurs, il se doit obligatoirement de citer, de parler de ce qu'il a comme bien et les beaux côtés qu'il a lorsqu'on fait la critique d'un innovateur. Car si tu ne le fais pas, alors tu auras été injuste envers lui. فأجاب الشيخ رحمه الله. Là, le Cheikh رحمه الله a répondu. La ma huwa bilazim, ma huwa bilazim. Il dit non, ceci n'est pas un impératif, ceci n'est pas un impératif. ولهذا, et là se termine la parole du Cheikh رحمه الله. L'auteur حفظه الله dit ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت أن المراد التحذير. Là, excusez-moi, c'est toujours la réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. On est toujours dans la réponse de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Donc il dit, ceci n'est pas un impératif, ceci n'est pas un impératif. ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت أن المراد التحذير. Et il dit, c'est pour cela que lorsque tu viens à lire les ouvrages de Ahl Sunnah, tu verras que ce qui est voulu, c'est la mise en garde. Lorsqu'il parle des innovateurs, lorsqu'il parle des innovations, ce qui est voulu dans leurs paroles, c'est de mettre en garde, c'est d'avertir. Iqra fi kutub al-Bukhari, khalq af'al al-ibad, fi kitab al-adab fi al-sahih. Lis dans les ouvrages de l'imam al-Bukhari, comme son ouvrage qui s'appelle Khalqu Af'al al-Ibad. Et dans le chapitre de l'adab, du bon comportement, dans son sahih, dans son authentique. Kitab al-Sunnah li Abdillah ibn Ahmed. Kitab al-Tawhid li ibn Khuzaymah. Rad Uthman ibn Sa'id al-Darimi ala Ahli al-Bida'. Donc, hein, l'ouvrage de Sunnah de Abdullah, le fils de l'imam Ahmed. Le livre al-Tawhid, le monothéisme de l'imam ibn Khuzaymah. La réponse ou la réfutation de Uthman ibn Sa'id al-Darimi aux innovateurs, il a ghayri dhalika et bien d'autres, yuridunahu litahdhir min batilihim. Donc il ramène et il rapporte cela pour mettre en garde contre le faux et le mal qu'ils ont. Ma huwa al-maqsoud ta'did mahasinahum. Le but, ce n'est pas de dénombrer ou de clarifier les bons côtés qu'ils peuvent avoir. Al-maqsoud at-tahdhir min batilihim. Ce qui est voulu, l'objectif, le but recherché, c'est de mettre en garde contre leur mal. Wa mahasinuhum la qimata laha binisbati liman kafar. Ici, par exemple, l'un est tombé dans la mécréance. Son mal, son innovation l'a amené à tomber dans la mécréance. Quelle utilité il aurait dans les soi-disant bons côtés ou les bonnes actions qu'il a? Toutes ces bonnes actions viendront à tomber. Elles seront vaines. Elles n'auront aucune valeur. Il n'y a pas de valeur ou de besoin de les citer. إِذَا كَانَتْ بِدْعَتُهُ تُكَفِّرُهُ بَطُلَتْ حَسَنَاتُهُ. Si sa bid'a, son innovation, l'amène à la mécréance, alors ses bonnes œuvres ou ses bonnes actions, elles sont vaines. وَإِنْ كَانَتْ لَا تُكَفِّرُهُ فَهُوَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ. Et si son innovation ne l'amène pas à la mécréance, alors sachez qu'il est dans un danger très grave, dans une situation très grave. فَالْمَقْصُودُ بَيَانُ الْأَخْطَاءِ وَالْأَغْلَاطِ الَّتِي يُحَذَّرُ مِنْهَا. Donc ce qui est voulu, c'est de démontrer les erreurs et les fautes pour que les gens en soient avertis. Et il dit en notation, « انظر مقدمة النصر العزيز نقلا عن شريط مسجل لدرس من دروس الشيخ التي ألقاها في صيف عام 1413 هجرية في الطائف. » Donc regardez dans l'introduction du livre qui s'intitule « An-Nasr al-Aziz » du Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah. Et dedans, il ramène ces paroles d'Ibn Baz qui sont tirées d'une audio enregistrée après un cours parmi les cours de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, donné pendant l'été 1413 de l'Hégire, à peu près 1992-93 de l'ère chrétienne, dans la ville de Taif. وكتب سماحة الشيخ رحمه الله حافلة بالردود على المبتدعة والأحزاب المختلفة. Et les ouvrages et les écrits du Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz رحمه الله comportent beaucoup de réfutations et de réponses à l'encontre des innovateurs, à l'encontre des mouvements et des partis égarés, quels qu'ils soient. مثل كتاب التحذير من البدع, comme l'ouvrage qu'il a qui s'intitule La mise en garde contre les innovations, wa naqdul qawmi al-arabiyya, et la réfutation contre le nationalisme arabe, qui est un ouvrage qu'il a écrit en 1960, à l'époque où le nationalisme arabe avait atteint son sommet. Le cheikh a écrit un ouvrage pour mettre en garde contre le nationalisme, car comme vous le savez, le nationalisme, le régionalisme sont des choses interdites en islam. وردود كثيرة على دعاة إقامة الموالد والأعياد الجاهلية والنحل المختلفة. Et d'autres réfutations qu'il a écrites à l'encontre de ceux qui appellent à faire revivre la célébration des naissances ou des saints, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des fêtes de l'époque anti-islamique qui sont contraires à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا تجد فيها شيئا من هذه الموازنات التي يدعو إليها بعض الناس. Et dans ses écrits, dans ses ouvrages, jamais tu ne trouves ce à quoi appellent certaines personnes aujourd'hui, le fait de citer les bonnes actions lorsqu'on parle des erreurs et des mauvaises actions de certains. وهذا المنهج الذي سلكه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله سار عليه الشيخ العلامة صالح الفوزان في ردوده ومناقشاته. Et cette voie sur laquelle était le Cheikh Ibn Baz رحمه الله dans ses réfutations, c'est le même chemin sur lequel est le savant, le Cheikh صالح ابن فوزان حفظه الله تعالى dans ses discussions et dans ses réfutations. وكذلك غيره من علماء هذه البلاد اتباعا لعلماء السلف رحمه الله تعالى. De même que les autres savants de ce pays, ils parlent de l'Arabie et ils font en cela que suivre la voie des pieux prédécesseurs رحمهم الله. وسئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بعد أن سئل عدة أسئلة حول الجماعات السؤال التالي: يا شيخ نحذر منهم دون أن نذكر محاسنهم مثلا أو نذكر محاسنهم ومساوئهم. Et le Cheikh, le grand savant Saleh ibn Fawzan حفظه الله تعالى, fut questionné après avoir été questionné beaucoup de questions concernant les mouvements et les partis. Il fut questionné cette question où il est dit: ô Cheikh, lorsqu'on met en garde, est-ce qu'on peut citer les bonnes actions à titre d'exemple? Est-ce qu'on met en garde contre eux sans citer les bonnes actions? Ou alors on se doit de citer les bonnes et les mauvaises actions? فأجاب et il répondit حفظه الله إذا ذكرت محاسنهم معناه دعوت لهم. Si tu viens au moment de ta réfutation, au moment de ta réponse, au moment de ta mise en garde, si tu viens à citer leurs bonnes actions, si tu viens à citer leurs bons côtés, ça veut dire que tu appelles à eux. Ça veut dire que tu veux attirer les gens vers eux. Là, la tazkur mahasinahum. Non, tu ne dois pas citer leurs bons côtés. Uzkuril khata alladhi hum alayhi faqat. Cite seulement l'erreur, les fautes dans lesquelles ils sont. Li'annahu ma huwa mawkulun laka an tadrusa wad'ahum. Car tu n'as pas cette charge qui est d'étudier ou de venir à connaître leurs bons côtés. Cela ne t'est pas demandé. وَتُقَوِّمْ شَخْصِيَاتِهِمْ. Et il ne t'est pas demandé de faire une analyse de leur personnalité. أَنْتَ مَوْكُونٌ لَكَ بَيَانُ الْخَطَأَ الَّذِي عِنْدَهُمْ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتُوبُ مِنْهُ. Toi, ce qui t'est demandé, la charge qui t'incombe, c'est de démontrer l'erreur qui se trouve chez eux pour qu'ils puissent se repentir de cette erreur. وَمِنْ أَجْلِ أَنْ يَحْذَرَهُ غَيْرُهُمْ. Et aussi pour que les autres personnes en soient à l'abri. أَمَّا إِذَا ذَكَرْتَ مَحَاسِنَهُمْ. Mais si tu viens à citer leurs bons côtés, leurs bonnes actions, قَالُوا هَذَا الَّذِي نَبْغِي. Et tu dis, c'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on voulait savoir, c'est les bons côtés qu'ils ont. مُقَدِّمَةُ النَّصْرِ الْعَزِيزِ نَقْلًا عَنْ شَرِيطٍ مِنْ شَرِيطٍ مُسَجَّلٍ للدرس الثالث من دروس كتاب التوحيد التي ألقاها فضيلته في صيف عام 1413 هجرية بالطائف. Et cette parole de Cheikh Al-Fawzan, on la retrouve dans l'introduction de l'ouvrage de Cheikh Rabi' Al-Madkhali Hafidhahullah qui s'intitule Al-Nasr Al-Aziz, et c'est tiré d'une audio du Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah d'un cours, du troisième cours parmi les cours de l'étude du livre de Tawhid que le cheikh avait donné pendant l'été 1413 de l'Hégire dans la ville de At-Ta'if. Wa su'ila fadilatu al-shaykh Abd al-Aziz al-Muhammad al-Salman rahimahullah as-su'al al-tali. Ce grand savant, ce cheikh Abd al-Aziz ibn Muhammad al-Salman, un grand savant de Riyad qui est mort il y a quelques années, rahimahullah ta'ala, Il fut posé cette question. هل تشترط الموازنة بين الحسنات والسيئات في الكلام على المبتدعة في منهج السلف. La question dit, est-ce que il y a comme condition dans la voie des pieux prédécesseurs, lorsqu'on parle sur les innovateurs, de rassembler, lorsqu'on veut faire la critique, entre les bons côtés et les mauvais côtés. C'est-à-dire, est-ce qu'on se doit de citer les bons côtés lorsqu'on vient faire la critique ? فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ. Qu'Allah lui fasse clémence, il répondit, اِعْلَمْ وَفَقَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يُؤْثَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ تعظيم أحد من أهل البدع والموالين لأهل البدع والمنادين بموالاتهم. Sache qu'Allah nous assiste, ainsi que tous les musulmans, qu'il n'a jamais été rapporté de l'un des savants ou des imams, des pieux prédécesseurs, parmi les compagnons, parmi les tabi'in et ceux qui les ont suivis convenablement, de magnifier ou de donner de l'importance aux innovateurs ou à ceux qui s'attachent ou qui se rallient aux innovateurs ou à ceux qui appellent à rallier les innovateurs. Les anna ahlal bid'a mardal quloub, car les innovateurs ont des cœurs malades. Wa yukhsha ala man khalatahum aw ittasala bihim أن يصل إليه ما بهم من هذا الداء العضال. Et il est à craindre pour celui qui se rapproche d'eux, celui qui est allié à eux, celui qui se rattache à eux, il est à craindre pour lui qu'il ne soit touché par cette maladie, contagieuse. Car le malade peut contaminer celui qui est en bonne santé et ne met pas le contraire. Donc, mise en garde, la méfiance contre tous les innovateurs. Et parmi les innovateurs qu'il faut être en garde contre eux et s'en éloigner, al-Jahmiyyah, les Jahmites, al-Rafidah, les Chiites, al-Mu'tazila, al-Maturidiyah, al-Khawarij et leurs héritiers, parmi les takfirs, quels qu'ils soient, et quel que soit leur degré dans le takfir, al-Sufiyyah, les Soufis, al-Asha'ira, les Ash'arites, ومن على طريقتهم المنحرفة عن طريقة السلف et tous ceux qui sont dans le même chemin qui est déviant et égaré du chemin des pieux prédécesseurs فينبغي للمسلم أن يحذرهم ويحذر منهم et donc il est un devoir pour le musulman d'être à l'abri d'eux et de mettre en garde contre eux وسئل et cette parole de Cheikh on la retrouve aussi dans la muqaddima, dans l'introduction de An-Nasr al-Aziz, le Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah ta'ala. Wasu'ila al-Cheikh al-Albani, rahimahullah, an qa'idatil muwazana, fa'ankaraha, wa ja'a fi kalamih. Et le grand savant, le grand muhaddith de ce siècle, le Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah, fut questionné sur cette règle inventé par certaines sectes, certaines tendances, certaines personnes égarées qui prétendent qu'il faut obligatoirement citer les bonnes actions lorsqu'on vient à faire la critique ou la réfutation. Le Cheikh fut questionné sur cette règle et il l'a rejetée. Il ne l'a pas reconnue et il est rapporté dans les paroles qu'il a dit « Rahimahullahu ta'ala min ayna lahum » أن الإنسان إذا جاءت مناسبة لبيان خطأ مسلم إن كان داعية أو غير داعية لازم يعمل محاضرة يذكر فيها محاسنه من أولها إلى آخرها الله أكبر شيء عجيب. Il dit mais d'où est-ce qu'ils ont cela que lorsqu'une personne il a une occasion de démontrer, de clarifier l'erreur qu'a commise un musulman, que ce soit un prêcheur ou quelqu'un qui n'est pas prêcheur, qu'il est un devoir, une obligation, un impératif pour lui de faire une conférence entière sur les bons côtés qu'a cet homme-là, sur les bonnes actions depuis le début jusqu'à la fin, de raconter tout ce qu'il a comme bon côté, il dit Allahu Akbar, c'est bien une chose étrange. C'est-à-dire, c'est une chose qui n'existe pas. Ceux qui l'ont ramené, ils n'ont fait que l'inventer. Wa mimma taqaddam, et là se termine la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Wa mimma taqaddam, an ulama'i salaf al-mutaqaddimin wal-mu'asirin, yatabayyan annahu laysa min manhaji salaf al-muwazanat. Et de ce qui précède, de ce qu'on a vu précédemment, parmi les paroles et les citations des savants des pieux prédécesseurs, anciens et des savants contemporains, il est bien clair que ne fait pas partie de la voie des pieux prédécesseurs de faire al-muwazanat, de rassembler lorsqu'on parle entre les bonnes actions et les mauvaises actions lorsqu'on fait la réfutation des gens du faux. وَأَنَّ ذَلِكَ الْمَنْهَجْ أي الْمُوَازَنَ بَيْنَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عِنْدَ النَّقْدِ يُؤَدِّي إِلَى مَفَاسِدَ كَبِيرَةٍ وَخَطِيرَةٍ جِدًا. Et il est bien clair que ce chemin mauvais qui appelle à l'application de cette règle qui a été inventée, cela amène à beaucoup de mal et de dangers grandioses. وَأَهَمُّهَا et parmi ces plus grands maux et ces plus grands dangers, أولاً, premièrement, تَجْهِيلُ السَّلَفِ C'est de rendre ignorants les pieux prédécesseurs. Comme quoi les pieux prédécesseurs n'avaient pas appliqué cette règle, donc ils l'ont ignorée. Ils ne la connaissaient pas. ثَانِيًا رَمْيُهُمْ بِالظُّلْمِ وَالْجَوْرِ Deuxièmement, c'est d'accuser les pieux prédécesseurs comme quoi ils étaient injustes. Et ils ont transgressé lorsqu'ils ont réfuté, lorsqu'ils ont répondu aux gens de l'innovation, aux gens du faux et du mal, sans citer leurs bonnes actions. ثالثاً, troisièmement, تعظيم البدع وأهلها. Et en appliquant cette règle qui est inventée et innovée, on ne fait que magnifier et donner de l'importance aux innovations ainsi qu'aux adeptes de l'innovation. وتحقير أئمة السلف. Et c'est aussi un moyen de dénigrer et de rabaisser et de mépriser les imams et les savants des pieux prédécesseurs. وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ Aussi de ce qu'ils avaient comme sunna et comme vérité. Et c'est pour cela que vous verrez souvent les gens de l'innovation mépriser les suiveurs des pieux prédécesseurs. Vous les verrez dénigrer les pieux prédécesseurs. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que le chemin sur lequel ils sont, les idées et les règles qu'ils ont dans leur chemin sont bien meilleures et qu'ils ont une compréhension bien meilleure et bien plus parfaite que celle des pieux prédécesseurs. Rahimahumullah ta'ala. Thumma inna al-mulfit lil-nazar anna ashab ad-da'wati ila al-munadat bil-muwazana bayna al-hasanat was-sayyi'at مع ما في هذا المنهج من باطل وتزيين للبدع وأهلها وتلميعهم هم لا يطبقون هذا المنهج على أهل السنة المعاصرين السائرين على نهج السلف الكرام. Et un point qui doit nous prêter attention, c'est que ces personnes qui appellent à cette règle innovée d'appliquer ce qu'ils ont appelé al-muwazana. Lorsque tu parles, tu fais la critique, tu dois citer les bonnes actions. Bien que cette règle, elle est fausse, et que c'est eux qui l'ont inventée, et là-dedans, il y a comme un embellissement fait aux innovations et à ses adeptes, et bien au même moment, ils n'appliquent pas cette règle qu'ils ont eux-mêmes inventée lorsqu'il est question des savants de la sunna et de la vérité. Subhanallah. Ils ne l'appliquent pas. Lorsqu'entre eux, le nom d'un savant de la sunna est cité, directement, ils parlent en mal de lui. Comme s'il n'avait aucun côté bien. Subhanallah. Alors que c'est les premiers à appeler de citer les bonnes actions. Lorsque le savant de la sunna, tu viens en parler en bien, ils vont te dire, ouais, mais quand même, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça comme mal. Subhanallah. C'est bien la preuve que cette règle, elle n'existe pas dans la sunna. Ils l'ont inventée et ils ne sont même pas capables de l'appliquer à tout moment. Mais ils ne l'appliquent que lorsque c'est leur mouvement, lorsque c'est leur secte, ou leurs adeptes, ou leurs imams, ou leurs fondateurs de leur secte, qui sont cités, à ce moment-là, ils nous appellent. Pourquoi ? Pour nous induire en erreur. Pour qu'on reconnaisse qu'il y a du bien. Pour qu'au final, on ne reconnaisse plus le mal qu'ils ont. Wal-iyadhu billah. Mais lorsqu'il est question de Ahl al-Sunna, à ce moment-là, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas satisfaits. Et ils cherchent un moyen de te montrer que ce ne sont pas des gens à suivre. Wal-iyadhu billah. بل يقذفونهم بالبوائق والدواهي ظلما وبغيا ويذيعونها في أرجاء الأرض. Mais plutôt, hein, ils lancent leurs flèches sur les savants de la sunna en propageant des choses et souvent fausses contre eux. Et en faisant cela, ils ne font que de l'injustice et de la transgression. Et puis, ils le propagent dans toute la terre. À titre d'exemple. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, des Palestiniens lui ont parlé de ce qu'ils vivent comme mal et comme injustice en Palestine. Et comme quoi, ils ne peuvent même plus bien pratiquer leur religion. Le Cheikh leur fait comprendre que la terre d'Allah, elle est vaste. Si tu ne peux pas adorer Allah dans un endroit, va dans un endroit où tu peux adorer Allah. les frères musulmans et leurs suiveurs et leurs adeptes, ils ont pris cette parole et ils ont été propagés dans le monde entier par tous les moyens qu'ils possèdent. Radio, journaux, magazines, Al-Albani demande à tous les Palestiniens de quitter la Palestine. Donc, il veut que le territoire soit donné aux Israéliens. Jusqu'à que des imams à eux, dans des minbars, ont insulté l'Albani du haut du minbar. Wal-iyadu billah. Regardez. Regardez quelle est la parole de Cheikh l'Albani et ils en ont profité pour lui donner une autre image. Wal-iyadu billah. Ça, c'est eux. Al-Qardawi, dans son émission du dimanche, il a une émission le dimanche soir dans le Jazeera où il répond aux questions. Cheikh Al-Albani est mort un samedi, rahimahullah. Le lendemain, c'était l'émission. Le présentateur demande à Al-Qardawi, on a appris la mort de Cheikh Al-Albani hier, est-ce qu'un hommage ou une parole? Bon, il est obligé de reconnaître, c'était un grand muhaddith dans le domaine du hadith et ainsi de suite. Mais il avait des problèmes avec telle personne et c'était telle personne qui avait raison. Subhanallah, même à un moment dommage, c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il parle d'un côté mauvais. Subhanallah, c'était plus fort. Mais si c'était quelqu'un de leur mouvement qui était mort, il n'a aucun côté mal. Subhanallah. Donc ils parlent, mais ils ne sont même pas capables d'appliquer leurs règles parce qu'elles sont innovées. Et d'abord, en toute vérité, on n'attend pas d'éloge de la part des innovateurs. On veut qu'ils se repentent et qu'ils reviennent à la sunna et qu'ils reviennent à la vérité. Et le savant de la sunna, alhamdoulilah, il a sa place qu'Allah lui a donnée. Et que quoi que disent les innovateurs ou les ennemis de la sunna, cela ne lui sera d'aucune nuisance. Ça, c'était quelques exemples que je vous ai ramenés. Lorsque Cheikh Al-Albani est arrivé en Jordanie, il a grandi et il a vécu en Syrie. Les 20 dernières années, c'était en Jordanie. Il donnait des cours. Il y avait des membres des frères musulmans qui assistaient à ses cours. Un beau jour, il n'assistait plus. Et il y en avait un qui s'appelle Abdullah Azzam. Il est mort, rahimahullah, en Afghanistan. Tayyib. Il est assidu au cours. Il ne le voyait plus. Un jour, le shir le trouve à la sortie d'une mosquée. Et il lui dit, « Pourquoi tu ne viens plus au cours ?» Et il lui a dit, « On a reçu l'ordre de ne plus assister à tes cours. » Abdullah Azzam, c'est un docteur en sharia. Et, mais le fait qu'il ait prêté allégeance à un mouvement, le frère des frères musulmans, hein, il est comme possédé. C'est eux qui décident à sa place. Tu vas ou tu n'y vas pas. Et ils ont dit à leurs adeptes, c'est soit vous restez dans notre mouvement, ou soit vous assistez au cours de Cheikh Al-Albani. Mais vous n'assemblez pas entre les deux. Et Abdullah Azzam lui a dit, je ne pouvais plus assister à tes cours. Il lui a dit, mais c'est quoi le gros problème? C'est quoi qu'on me reproche? Il lui a dit, parce que le mouvement dit que tu rends mécréant ces khotob. Il lui a dit, moi je l'ai rendu mécréant, alors que c'est moi qui combat le plus les gens qui taxent les autres de mécréants. Je dis qu'il a des paroles de mécréance. Et ça, c'est une réalité. Et toi, tu le sais très bien, tu as assisté à mes cours. Et il a dit, d'accord, c'est vrai, je reconnais. Quelques temps plus tard, Abdullah Azzam, lui-même, il écrit un article dans un magazine koweïtien dans lequel il met en grand titre « Al-Albani rend mécréant ses khotob ». Alors qu'il lui a parlé, il lui a clarifié. Mais c'est plus fort. Le mouvement l'emporte. Subhanallah. والعياذ بالله. طيب، on continue. ويفعلون كل ذلك انتصارا لأهل البدع ومحاماة عنهم. Ils font tout cela pour secourir les adeptes de l'innovation. Et ils se prennent comme, ils se donnent comme mission d'être les avocats des innovateurs. فيقع المساكين في حمأة الصد عن سبيل الله. Et ces pauvres personnes, ils tombent dans quoi? Dans ce grand mal qui est de repousser les gens du sentier d'Allah. Parce qu'en faisant cela, on empêche les gens d'être sur la vérité. On empêche les gens d'être dans le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin sur lequel étaient les compagnons et les pieux prédécesseurs, rahimahumullah. Wassad an manhaj as-salaf min hayth yash'urun aw la yash'urun. Et de même qu'ils empêchent, qu'ils sont un rempart vis-à-vis des gens du fait qu'ils puissent, pour qu'ils suivent la voie des pieux prédécesseurs, qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas. C'est-à-dire, des fois, des gens peuvent être un rempart, mais au fond de lui, ils ne le savaient pas. Et parfois, il y en a qui le font tout en le sachant. Mais dans les deux cas, le résultat, c'est le même. وَيَقَعُونَ فِي حَمْأَةِ الدَّعْوَةِ إِلَى الْبَاطِلِ وَالْبِدَعِ مِنْ حَيْثُ يَشْعُرُونَ أَوْ لَا يَشْعُرُونَ. Et puis, en faisant cela, ils tombent dans l'appel au mal et aux innovations. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, le résultat, c'est qu'il fait partie de ceux qui appellent à cela. Intaha min kalam al-Sheikh al-Allama Rabi' hafidhahullah. Donc là se terminent les paroles de Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala. Al-Thani Ashar, le chapitre numéro 12. Al-Abwab allati tajouzu fiha al-ghiba wal-jarh inda ulama' al-Islam. Les points ou les chapitres dans lesquels il y a la permission de faire la médisance et la critique chez les savants de l'islam. La médisance, vous savez, c'est quoi? C'est de parler derrière le dos de ton frère. Tu ne fais pas ses éloges. Parce que derrière le dos de ton frère, si tu fais ses éloges, c'est une chose qui est bien. Mais tu dis des choses mauvaises que la personne n'aurait pas voulu entendre en sa présence. Et tu dis cela derrière son dos, mais c'est une vérité. Parce que parfois, certains ils disent, « Ouais, mais j'ai dit la vérité. » Oui, mais c'est de la médisance. Tu as parlé en mal de ton frère derrière son dos. Parce que si c'est un mensonge, alors c'est encore pire le mal. Tu as parlé derrière son dos et tu as menti. Subhanallah. Donc la médisance, c'est que tu dises une vérité, mais derrière le dos de ton frère. Ça, c'est la règle générale. N'entre pas dedans certains critères. Et c'est ce qui va venir. C'est pour cela que certaines personnes ne comprennent pas. Lorsque des critiques sont faites en toute vérité, il y en a qui disent, oui, mais vous faites de la médisance. Oui, mais c'est parce que tu ignores le détail de la règle de la médisance. Tu ignores ce qui est interdit de ce qui est permis dans la médisance. Ou alors tu fais semblant de l'ignorer. Car la critique, tout le monde le fait. Trouvez-moi une personne qui ne fait pas la critique. Les médecins, les hôpitaux. Va pas dans tel hôpital, non, j'ai déjà été, ils sont pas bons là-bas. Tel médecin, non, ah oui, lui, va chez lui, ah oh, lui, il est trop bien. Le dentiste, la même chose. La boulangerie. Non, lui, ses pâtisseries, elles ne sont pas bonnes. Va plutôt chez l'autre là-bas. Lui, il fait du bon pain. Tout le monde en fait. Un carrossier. Non, lui, c'est un escroc. Lui, c'est ça, voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À titre d'exemple, tout le monde en fait. Subhanallah. Mais parce que vous ne réfléchissez pas. Si seulement vous réfléchissez un peu, vous allez dire, ah bah oui. Alors, avez-vous parlé derrière le dos? Oui ou non? Bah, le boulanger n'était pas là quand tu as parlé. Le carrossier n'était pas là. Le médecin n'était pas là, le dentiste n'était pas là. Tu as parlé derrière son dos et tu l'as critiqué en mal. Avais-tu le droit de le faire, oui ou non? Taïeb, n'est-ce pas que quelqu'un qui veut se marier, il lui est demandé de demander conseil auprès des gens qui connaissent la future mariée ou le futur marié, ou qui connaissent la famille du marié ou de la mariée. Ces personnes-ci, tu vas les voir, c'est pour qu'ils t'en parlent quand bien. Mais toi, à la base, si tu es prêt à partir chez cette famille, c'est que pour toi, tu penses qu'ils sont bien. C'est que tu as eu des bons échos. Mais tu as peur qu'il t'ait échappé quelque chose, qu'il y ait un mauvais côté dont tu n'es pas au courant. Donc, tu vas demander à des gens qui sont susceptibles de l'être au courant. Subhanallah. Et à ce moment-là, n'est-il pas un devoir pour toi de citer ce que tu connais comme mal? Tu es obligé, parce que ton frère t'a demandé conseil. De même, quelqu'un qui va s'associer avec quelqu'un, eh bien l'autre, il est en droit d'aller demander à des personnes qui le connaissent. Je veux m'associer avec lui. Est-ce que ? Donc, dans la vie de tous les jours, on est confronté à cela. Alors, on est dans des questions mondaines, des questions qui concernent le ventre, le pain, la pâtisserie, et ainsi de suite. Des questions qui concernent la santé. C'est des questions mondaines. Que dire alors lorsqu'il est question de paradis ou d'enfer? Lorsqu'il est question de se rapprocher d'Allah ou de s'éloigner d'Allah, subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que là, c'est encore plus demandé? Tayyib, il y a quelqu'un qui a une maladie contagieuse. Et l'un d'entre vous est au courant, mais il dit rien. Les jours passent et plusieurs personnes attrapent cette maladie. Et on vient à vous dire que telle personne, il était au courant. Vous allez lui en vouloir, oui ou non, de ne pas vous avoir averti, de ne pas vous avoir demandé de vous éloigner de telle personne car vous allez attraper sa maladie. Mais que dire d'un innovateur qui veut vous contaminer avec ses innovations? Et que tu dises rien, tu laisses. Il y avait un innovateur, quelques jours après, ils sont 10. Quelques jours après, ils sont 20. Tout ça pourquoi? Parce que les gens, les pauvres, n'ont pas été avertis. On ne les a pas mis en garde. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. الإمام النووي رحمه الله dit, et ça vous le retrouvez dans son ouvrage Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. Il dit qu'Allah lui fasse clémence, sache que la médisance, elle est permise pour une cause authentique, légiférée, qu'on ne peut atteindre que par ce biais-là. وَهِيَ سِتَّةُ أَبْوَابٍ. Et donc, il y a 6 moments dans lesquels la médisance, elle devient permise. الأول التظلم. Le premier, c'est celui qui a été touché par une oppression ou une injustice. Il demande de l'aide. Tu vas demander de l'aide. Tu es obligé de préciser pourquoi tu veux qu'on t'aide. Tu vas dire, un tel m'a frappé. Un tel m'a insulté. Un tel m'a volé. Donc tu parles en mal de ton frère derrière son dos. Mais là, c'est un moment où elle est permise. C'est pour demander du secours et de l'aide. C'est comme quelqu'un qui porte plainte. Il porte plainte contre un danger, contre quelqu'un qui veut l'attaquer ou ainsi de suite. Donc, il porte plainte. Donc, il va parler en mal. Mais là, c'est un moment qui est permis. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. Deuxième point, demander de l'aide pour enlever un mal et faire retourner le pécheur vers la vérité. Donc, il y a quelqu'un qui fait des péchés, je n'arrive pas à l'empêcher, je n'arrive pas à le ramener à la vérité, eh bien, je pense qu'un tel, il pourra avoir du poids. Donc, je vais aller le voir. Je dis, écoute, mon frère, un tel, il fait ça, ça, ça, c'est un problème, il faut essayer de l'arrêter. Donc, à ce moment-là, dans cette situation-là, la médisance, elle est permise. Troisième point, al-istifta. Lorsque tu poses une question à un juge, à un savant, à un imam, à un shir, tu viens lui poser une question, eh bien, il t'est permis. Quelqu'un qui vient, il dit, la sœur, elle vient, elle dit, ouais, mon époux, il est injuste envers moi, il me fait ça, ça, ça, comment dois-je réagir? Ou l'homme qui dit, mon épouse, elle est désobéissante envers moi, et ainsi de suite. L'un n'a-t-il pas parlé en mal de l'autre? Derrière son dos? Mais là, c'est pour chercher une réponse. Donc, c'est une fatwa qu'il cherche. Et là, c'est un moment qu'il est, il est permis. Al-Rabi', quatrième point, tahdhiru al-muslimin min ash-sharri wa nasihatuhum. Quatrième point, c'est mise en garde, avertir les musulmans contre un mal, contre le mal et de les conseiller. Khamisan, cinquièmement, an yakuna mujahiran bifisqihi wa bid'atihi. C'est une personne qui fait ouvertement, en plein jour, sans se cacher, il fait des péchés ou des innovations. Celui-là n'a plus de médisance. Il n'y a plus de médisance à son encontre. Quelqu'un qui fait des péchés comme ça, en plein jour, il ne s'en cache pas. C'est pas comme là où la médisance est interdite, c'est des erreurs, des fautes commises par quelqu'un en secret, en cachette, à l'abri du regard des gens. Il a commis un mal, il a commis une désobéissance, un péché. Si tu veux le conseiller, tu n'as pas à aller le dire à tout le monde. Tu vas le voir, tu le conseilles. Tu ne peux pas, tu peux faire un des points qu'on a vu. C'est d'aller prendre quelqu'un qui a peut-être du poids, qui va peut-être, ça va mieux passer par lui. Et voilà, mais tu n'as pas à le dire. Mais quelqu'un, parce que celui-là, son mal, Allah, il a mis un voile. Les gens ne le voient pas. Mais celui qui a enlevé le voile d'Allah et qui fait le péché devant tout le monde et qui ne s'en cache pas, et il s'en vante et il le raconte à tout va. Y a-t-il une médisance à l'encontre de celui-là? Il n'y a pas de médisance. De même que l'innovateur qui fait son innovation à tout va. Al-Sadis, 16e, Al-Ta'rif. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمى والأعرج والأصم جاز تعريفهم بذلك. C'est pour faire reconnaître une personne. Tu dis un tel, mais qui un tel? Mais un tel qui s'appelle comme ça. La personne dit, mais je vois pas c'est qui. Eh bien, tu en vas dire, celui qui est aveugle. Ah, oui, d'accord, ça y est, je vois c'est qui. Ou celui qui boite. Ah, ben ça y est, je vois c'est qui. Ou celui qui est sourd. Tu as un besoin de préciser pour faire connaître. À ce moment-là, c'est une chose qui est permise. ثم قال, puis le cheikh, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, dit, فهذه ستة أبواب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها. Voilà six points dans lesquels il y a la permission de la médisance qui sont cités par les savants. Et la plupart d'entre eux, il y a unanimité des savants là-dessus. دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة. Les preuves de tout cela, on les retrouve dans des hadiths authentiques célèbres. وقد نظم بعض العلماء هذه الأبواب في قوله. Et certains ulama ont réuni ces six points dans des vers de poésie. On les a vus, je vais vous les réciter, mais les points, on les a vus. Dans ces vers de poésie, il est dit Al-Qudhu, laysa bighibatin fi sittatin. Donc, qui veut dire la critique n'est pas une médisance dans six points. Ça, d'un côté, c'est de la médisance. Ça a la définition de la médisance. Mais elle sort de cette médisance qui est interdite. Donc, la critique n'est pas une médisance dans six points. Mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhiri. ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. Ce sont les six points qu'on a vus. قلت, le cheikh donc maintenant il dit, حفظه الله. On a terminé avec la parole de l'imam al-Nawawi رحمه الله, et vous les avez dans Riyad al-Salihin. قلت, il dit, je dis, وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز غيبة المبتدع شرطين. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a précisé, nous informe qu'il y a deux conditions pour celui qui veut faire la médisance de l'innovateur. Huma, ce sont awwalan al-ilm. La première, c'est d'avoir de la science. Tu sais de quoi tu parles. Tu as la connaissance dans ce que tu parles. Al-thani, deuxième, husnun niyyah. D'avoir une bonne intention. Tu n'es pas poussé par une mauvaise intention. Tu sais de quoi tu parles, dans quel sujet tu es, et tu as une bonne intention. حيث قال يرحمه الله, de sorte qu'il a dit qu'Allah lui fasse clémence, ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن نية. Donc, et celui qui viendra à parler avec science, à faire la réfutation, à faire la critique avec science, il faudra obligatoirement qu'il ait une bonne intention. فَلَوْ تَكَلَّمَ بِحَقٍّ يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. Et si par exemple il vient à parler, à critiquer avec une vérité, mais au fond ce qu'il veut lui, c'est l'élévation sur terre ou alors la corruption sur terre, alors il sera semblable, il sera au même stade que celui qui combat pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui combat avec ostentation. وَإِن تَكَلَّمَ لِأَجْلِ اللَّهِ تَعَالَى مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ كَانَ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ خُلَفَاءِ الرُّسُلِ. Et si il parle pour Allah, élevé soit-il, avec sincérité, alors il sera au grade de ceux qui combattent dans le sentier d'Allah parmi les héritiers des prophètes, ceux qui succèdent aux messagers. وليس هذا الباب مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. Et dans ce chapitre, il n'y a aucune contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lorsqu'il dit la médisance, c'est de parler de ton frère et d'une chose qu'il déteste. فإن الأخ هو المؤمن وأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله. Car ce frère-là, ce frère qui est en question, c'est un croyant, c'est le croyant. Et le frère du croyant, si il est véridique dans sa foi, jamais il ne détesterait cette vérité qui est aimée d'Allah et de son messager. وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو قريبه. Et si il veut témoigner, avoir un témoignage, qu'il le fasse avec droiture et qu'il soit témoin pour Allah, même à l'encontre de sa propre personne ou ses parents, ou ses proches. Donc s'il est vraiment véridique, et qu'il sait que cette personne a fait une critique authentique, en démontrant la vérité, et en clarifiant l'erreur dans laquelle il est, normalement il doit aimer cela. Puisque Allah aime la vérité, et son messager aussi, alayhi salatu wassalam, donc lui aussi, il doit aimer cette vérité. Et c'est pour ça que les ulama de la sunna, lorsque l'un fait la critique à l'autre, mais là dans des questions où il est permis de diverger, et dedans aussi il y a la critique, l'un n'en veut pas à l'autre, parce que l'un n'appelle pas l'autre à le suivre aveuglément. Il appelle l'autre à suivre le Coran et la Sunna, et l'autre l'appelle lui à suivre le Coran et la Sunna. Donc lorsque lui vient lui faire la critique, c'est dans son suivi du Coran et de la Sunna, subhanallah. Et voilà la vérité. Ce n'est pas des gens qui ils sont ensemble et qui ne se disent rien en pensant que c'est ça le vrai chemin. Non. La vraie fraternité, c'est d'aimer le bien pour ton prochain. Et ce que tu penses être une vérité, tu veux qu'il l'ait, cette vérité. Donc c'est pour cela que chacun, il est ardent dans son appel à cette vérité. Et dans les questions où il y a divergence, lui il y tient, lui il y tient, mais ils font la distinction entre les questions dans lesquelles où il est permis de diverger et les questions où il n'est pas permis de diverger. Dans la première catégorie, donc là, cette divergence-là, ne remet pas en cause la fraternité, l'amour et la compassion qu'il doit y avoir entre eux. Mais lorsque quelqu'un vient à entrer dans une divergence qui contredit complètement la vérité, une divergence qui n'est pas permise, là il y a les preuves. Et là il n'y a pas de preuves, là on ne dit pas « oui mais c'est pas grave, on reste ensemble ». Comme ils disent les frères musulmans, « Wallahu al-musta'an ». Qu'est-ce qu'ils ont mis ? Ils ont émis une règle en disant qu'on applique ce sur quoi on est d'accord. Et les choses où on n'est pas d'accord, chacun excuse l'autre. Subhanallah. Mais depuis quand? Et c'est pour cela que dans leur rang, vous avez tout et son contraire. Tout et son contraire. Wallahu al-musta'an. Et elle est où la sincérité là-dedans? Tayyib. Wa mata kariha hadha al-haq kana naqisan imanahu. Donc, et s'il vient à détester cette vérité, alors sa foi sera diminuée. sa foi sera diminuée. C'est qu'il a un problème dans sa foi de ne pas accepter et de ne pas aimer la vérité. Et même sa fraternité, elle baisse. Parce que la fraternité, d'une personne à une autre, elle n'est pas au même degré. On doit avoir plus de fraternité envers les plus pieux. Plus, moins la personne est pieuse, et moins la fraternité, elle est forte. C'est tout à fait logique. Donc, la fraternité a plusieurs degrés. Donc, en faisant cela, en n'aimant pas la vérité, sa foi, elle baisse, et sa fraternité aussi, elle baisse. Même si elle existe encore, mais elle est rabaissée. فَلَمْ يَعْتَبِرْ كَرَاهَتَهُ مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي نَقَصَ مِنْهَا إِيمَانُهُ إِذْ كَرَاهَتُهُ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تُوجِبُ تَقْدِيمَ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Car il n'a pas pris en considération son détestement qui a amené à la baisse de sa foi, car son détestement de ce qu'Allah aime et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous amène à donner prépondérance, prééminence à l'amour d'Allah et de son messager. Taïb, la personne fait une erreur, commet un péché, commet une innovation. On doit mettre en garde. L'autre, il te dit, non, c'est quand même ton frère. Taïb, mais cette vérité-là, c'est ce qu'Allah et son prophète aiment. Qui doit passer en premier lieu? L'amour d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle passe avant. Que je sois ton frère, tu es mon frère, soit, mais l'amour d'Allah et de son prophète passe avant. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, je me dois de clarifier cela. Tayyib. Comme a dit ta'ala, Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Et comme Allah le dit le très haut, dans le sens du verset, et ils se doivent d'agréer encore plus Allah et son messager. انتهى كلامه رحمه الله الى ستامين لا بارول دو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ونختم هذه الدروس بما ذكره الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في المبحث التاسع من كتاب هجر المبتدع et nous terminons ces cours par ce qu'a cité par une citation du cheikh Bakr Abu Zayd رحمه الله dans le chapitre numéro 9 de son livre l'éloignement de l'innovateur. Al-Hajr, c'est le fait de couper les liens, de s'éloigner. Donc là, l'éloignement donné à l'innovateur. Uqubat man wala al-mubtadi'a. Donc le chapitre numéro 9 qui a pour titre la punition ou la sentence à celui qui se rallie aux innovateurs. حيث قال حفظه الله. Bon là, au moment de l'écriture du livre de Cheikh Hamsam Suhaimi, le Cheikh Bakr Abu Zayd était encore vivant. Il est mort depuis, rahimahullah ta'ala. Donc il dit, de sorte qu'il dit dans son livre, « Kama anna al-mutakallim bil-batil, shaytanun natiq. » De même que celui qui parle avec du faux, c'est un shaytan qui parle. Celui qui parle avec le faux, c'est un shaytan qui parle. « Fassakitu anil haqqi, shaytanun akhras. » De même, celui qui se tait alors qu'il y a une vérité à démontrer est un diable silencieux. Celui qui parle avec le faux, c'est un diable qui parle. Et celui qui se tait sur une vérité, c'est un diable qui est silencieux ou qui est muet. كما قال أبو علي الدقاق المتوفى سنة 406 هجرية رحمه الله. Comme l'a bien précisé Abu Ali al-Daqqaq رحمه الله, qui est mort en l'an 406 de l'égir, rahimahullah, c'est-à-dire qu'il est mort il y a plus de 1000 ans. Wa min as-sunan ath-thabita qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-mar'u ma'a man ahab. Et parmi les hadiths dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a sa parole, la personne, elle est avec celui qui l'aime. Ça fait peur. Regarde, c'est-à-dire que chacun doit vérifier qui vraiment il aime. Car si tu aimes quelqu'un, tu seras avec lui. Et tu seras ressuscité avec lui. Donc c'est important de vérifier véritablement qui on aime. وقد قال أنس رضي الله عنه فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. Et Anas ibn Malik رضي الله عنه dit jamais les musulmans ont été aussi contents après avoir connu l'islam que lorsque il y a eu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils ont entendu cette parole, ils ont été pris d'une joie la même que celle qu'ils avaient au moment d'entrer dans l'islam. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que chacun il est ressuscité avec celui qu'il aime. Et eux, ils aiment le prophète et ils aiment le messager et ils sont ressuscités avec lui. وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدعة. Et les imams de la sunna ont été très durs dans leur sentence concernant celui qui viendrait à annuler un des fondements du dogme et de la croyance qui est le délaissement de l'éloignement des innovateurs. وفي معرض رد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على الاتحادية قال. Et dans sa réfutation contre l'اتحادية, c'est parmi les sectes soufis, ceux qui disent que tout est un. Tout est un. Yani, l'existence n'est qu'une et que tout ce qu'on voit n'est que Allah. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Que tout s'est retrouvé en Allah. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Ça, les extrémistes parmi les soufis qui ont ce genre de croyances, qui sont des croyances de mécréance, et dans sa réponse à leurs erreurs, Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « وَيَجِبُ عُقُوبَةُ كُلِّ مَنْ انْتَسَبَ إِلَيْهِمْ أَوْ ذَبَّ عَنْهُمْ أَوْ أَثْنَى عَلَيْهِمْ أَوْ عَظَّمَ كُتُبَهُمْ أَوْ عُرِفَ بِمُسَاعَدَتِهِمْ وَمُعَاوَنَتِهِمْ أَوْ كَرِهَ الْكَلَامَ فِيهِمْ أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قاله إنه صن أو من قاله إنه صنف هذا الكتاب. Il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il est un devoir de punir tous ceux qui se reconnaissent dans ces sectes, ou qui vient à les défendre, ou qui vient à faire leurs éloges, ou qui vient à parler en bien ou à magnifier leurs écrits, leurs ouvrages. Ou qui est connu pour leur donner aide et secours, ou qui déteste qu'on parle sur eux, ou qui vient à leur trouver des excuses, comme le fait de dire « mais je ne comprends pas vraiment ce qu'il a voulu dire par cette parole », ou « qui dit que c'est vraiment lui qui a écrit ce livre ?» comme certains font pour trouver des excuses, alors que les choses elles sont bien claires. « Wa amthalu hadhihi al-ma'adhir allati la yaquluha illa jahil » أو منافق بل تجب عقوبة كل من عرف من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم. Et les semblables de ces excuses qui ne peuvent provenir que de quelqu'un d'ignorant ou alors quelqu'un d'hypocrite. Donc il est un devoir de punir toute personne qui a connu leur état et leur situation et qui ne vient pas à aider pour mettre un terme à ce mal. فَإِنَّ الْقِيَامَ عَلَى هَؤُلَا مِنْ أَعْظَمِ الْوَاجِبَاتِ. Car de se lever pour mettre un terme à cela fait partie des plus grandes obligations, des plus grands devoirs. لِأَنَّهُمْ أَفْسَدُ الْعُقُولِ وَالْأَدْيَانِ. Car avec leur mal, avec leurs innovations, ils ont corrompu les raisons et la raison et la religion. على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. Et ils ont corrompu la raison et la religion de beaucoup de personnes, parmi même des fois des savants, parmi des chiours qui n'ont pas connu leur réalité, parmi des souverains, parmi des sultans, des princes, et ils se propagent pour propager sur terre la corruption, et ils font dévier les gens du sentier d'Allah. Qala al-Sheikh Bakr, le Sheikh Bakr Abu Zayd dit, Farahim Allah, après l'avoir ramené la parole de Sheikh l'Islam Taymiyyah, il dit, Farahim Allah, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wa saqahu min salsabil al-jannati, amin. Qu'Allah fasse clémence à Sheikh l'Islam ibn Taymiyyah, et qu'Allah l'abreuve du paradis, des ruisseaux du paradis, amin. فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية. Car cette parole elle a atteint le sommet de la précision et de l'importance. وهو وإن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية Et même dans, si dans cette parole, il parlait précisément sur cette secte al-Ittihadiyya, illa annahu yantazimu jami' al-mubtadi'a. Mais il faut savoir que cela englobe tous les innovateurs. فَكُلُّ مَنْ ظَاهَرَ مُبْتَدِعًا فَعَظَّمَهُ أَوْ عَظَّمَ كُتُبَهُ وَنَشَرَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَنَفَخَ بِهِ وَبِهَا وَأَشَاعَ مَا فِيهَا مِنْ بِدَعٍ وَضَلَالٍ وَلَمْ يَكْشِفْهُ فِي مَا لَدَيْهِ مِنْ زَيْغٍ وَاخْتِلَالٍ فِي الْاِعْتِقَادِ إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فهو مفرط في امره واجب قطع شره لئلا يتعدى الى المسلمين. Et donc toute personne qui viendra à se mettre avec les innovateurs et à les magnifier ou à magnifier, à parler en bien de leurs ouvrages et qui les propage entre les musulmans et qui gonfle ces personnes ainsi que leurs ouvrages et qui propage ce qu'il y a dedans comme égarement et comme innovation et qui ne le dévoile pas, il ne dévoile pas ce qu'il y a comme déviance, ce qu'il y a comme faux, ce qu'il y a comme mal dans le domaine dogmatique, celui qui a fait cela aura été négligent. Et il y aura un devoir, une obligation de couper son mal pour ne pas que ce mal atteigne les autres musulmans. وَقَدْ اُبْتُلِينَ هَذَا الزَّمَانِ بِأَقْوَامٍ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ. Et nous avons été éprouvés dans notre époque, car il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. يُعَظِّمُونَ الْمُبْتَدِعَ. Ils magnifient les innovateurs. وَيَنْشُرُونَ مَقَالَاتِهِمْ. Et ils propagent leurs écrits. وَلَا يُحَذِّرُونَ مِنْ سَقَطَاتِهِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِمْ مِنَ الضَّلَالِ. Et ils ne mettent pas en garde contre leurs erreurs, le faux qu'ils ont et ce qu'ils ont comme égarement. فَحْذَرُوا أَبَا الْجَهْلِ الْمُبْتَدِعَ هَذَا. Et cette personne, elle est comme Abu Jahl. Hein, Abu Jahl qui était un des grands de Quraysh, ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se mettait contre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour égarer les gens. Et combien de personnes n'ont pas embrassé l'islam parce qu'Abu Jahl était là, parce qu'Abu Jahl ne les laissait pas. Il y en avait qui avaient une attirance, mais Abu Jahl était là pour les refroidir, pour ne pas les laisser aller vers l'islam. Donc celui qui fait cela dans son agissement, il ressemble à Abu Jahl dans son agissement. Donc il faut se méfier de ce genre de personnes. Na'udhu billahi minash shaqa'i wa ahlihi. Nous demandons à Allah de nous protéger contre le malheur, le mal, la déviance et ceux qui sont dedans. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.